Le séminaire Internet de la région d'Asie-Pacifique sous thème « Le monde Bektou et la Corée d'aujourd'hui » a eu lieu à Jakarta sous les auspices communs du Comité préparatoire d'Asie-Pacifique et du Comité préparatoire indonésien pour le rendez-vous en l'honneur des Grands Bektousan 2017. Dans le website spécial du séminaire ont été insérées des œuvres classiques du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un, et des vidéos présentant la réalité glorieuse de la Corée Songun en progression vers une puissance socialiste et la longue histoire et la brillante culture de la nation coréenne. Au séminaire ont participé les comités préparatoires internationaux, régionaux et nationaux pour le rendez-vous en l'honneur des Grands Hommes Bektousan 2017, les personnalités de divers pays comme Indonésie, Népal, Bangladesh, Myanmar, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, et l'ambassadeur coréen en Indonésie et ses collaborateurs. Le rapporteur a indiqué que les exploits mortels du président Kim Il-sung, de son Excellence M. Kim Jong-il et de son Excellence M. le respecté Kim Jong-un, jouissant de la vénération mondiale sans bornes, sont impensables à l'écart du monde Bektou. Il a ajouté que la Corée socialiste brille radieusement dans le monde avec le monde Bektou. Il a appelé les membres des comités préparatoires internationaux, régionaux et nationaux a participé activement au 5e festival international en l'honneur des grands hommes Bektousan pour exalter ardemment la grandeur et les exploits mortels des grands hommes coréens et exprimer le soutien et la solidarité invariable à la juste œuvre du peuple coréen. Lors du séminaire, on a présenté les lettres de félicitations envoyées par les comités préparatoires africains et de l'Amérique. Après des allocutions, on a adopté une lettre adressée au dirigeant suprême Kim Jong-un.